De l'Antarctique au Spitzberg, des Galapagos au Groenland, laissez-nous vous étonner. Réalisez vos rêves en embarquant avec Hurtigruten vers des contrées mythiques. Retrouvez le goût de l'aventure et de l'émerveillement face à une nature et une faune spectaculaires. Enrichissez vos connaissances aux côtés de nos experts et abandonnez-vous au confort chaleureux et informel d'un navire Hurtigruten. Réservez votre croisière pour 2023 avant le 30 juin sur hurtigruten.fr et économisez jusqu'à 500 euros par personne. Offre soumise à condition. Je vous propose cette semaine de redécouvrir une série d'émissions autour du cinéma de François Truffaut, initialement diffusée en septembre 2019. Aujourd'hui, deuxième épisode, La Nuit américaine. Moi, pour un film, je pourrais quitter un type, mais pour un type, je pourrais jamais quitter un film. Et vous, préférez-vous la vie ou le cinéma? Ça dépend du film, me direz-vous. Mais quand je dis cinéma, je veux pas dire l'idée qu'on se fait du cinéma aujourd'hui. J'entends ces histoires que l'on se retrouve pour écouter et regarder. Ce récit bien ficelé, incarné par des acteurs talentueux, au service de personnages construits sur mesure. Le cinéma, c'est-à-dire l'inverse de la vie. Ou la vie en mieux, la vie sans temps mort ni ennui, la vie où on ne baille pas et on n'est jamais seul. Le cinéma, c'est le sujet du film que François Truffaut vient présenter à Cannes en 1973, La Nuit américaine. La Nuit américaine, c'est le titre signifie que l'on tourne en plein jour une scène de nuit, et c'est un titre qui est adapté puisqu'il s'agit d'une histoire de cinéma, vous savez, de la chronique d'une équipe de tournage pendant le tournage d'un film, depuis le premier jour des prises de vue jusqu'au dernier jour quand l'équipe se sépare. C'est un film à la gloire des acteurs et de tous les gens qui font ce métier, qui leur plaît énormément, et qui n'ont absolument pas envie de changer pour un autre, vous voyez. Si on fait un film comme ça, c'est quand même pour dire, peut-être pas toute la vérité, mais beaucoup de vérité, et que des choses vraies, je crois, c'est le cas dans ce film, mais je le répète sur un ton de comédie, et en donnant autant d'importance à la vie privée de l'équipe, des différents membres de l'équipe, leur brouille, leur réconciliation, et le travail en commun qu'ils font, qui est le tournage d'un film, qui s'appelle « Je vous présente Pamela », et aux prises de vue duquel on assiste. Le look, ou pas ce projecteur? Oui, monsieur. Mesdames, messieurs, bonjour. Nous voici donc au studio de la Victorine à Nice, où nous allons assister au premier tour de manivelle du film « Je vous présente Pamela ». Je vous présente votre vedette. Oui, bonjour. Je vous laisse. Monsieur le producteur, restez avec nous pour nous parler de « Je vous présente Pamela ». Non, le producteur doit rester dans l'ombre. Eh bien, c'est l'histoire d'un homme d'une cinquantaine d'années qui a un fils. Ce fils vient d'épouser une jeune Anglaise et vient la présenter à ses parents. Eh bien, c'est l'histoire d'un jeune homme qui épouse une jeune Anglaise. Et 3 mois après son mariage, il décide de la présenter à ses parents qui habitent dans une villa au bord de la mer. Et le personnage que je joue tombe amoureux de sa belle-fille, elle de lui. Et là, la jeune femme tombe amoureuse de son beau-père. Et le film illustre la fugue de ce couple illicite. Et après, qu'est-ce qui se passe alors? Eh bien, je crois que l'histoire est traitée sur le mode tragique. Et comme dans toute tragédie, chaque personnage vit jusqu'au bout de son destin. Je vous demande pardon, je suis obligé d'abréger parce que je crois qu'ils ont besoin de moi. Bonjour Hélène Frappa. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Vous êtes écrivaine et philosophe, traductrice et critique de cinéma. Vous avez travaillé et écrit sur Jacques Rivette, Roberto Rossellini, pas sur Truffaut. Quelle place tient Truffaut dans votre panthéon, dans votre cœur d'ailleurs? Il a tenu une place très forte dans l'enfance à cause de Jules et Jim, et notamment, enfin particulièrement de la chanson que chante Jeanne Moreau, que ma mère me chantait tous les soirs. Mais il a tenu une place marginale dans ma cinéphilie, comme s'il y avait eu pendant longtemps à choisir entre Godard et lui, ou entre Rivette et lui. Et peu à peu, cette espèce de fausse opposition s'est diluée. Il a eu une place, comme Claude Chabrol d'ailleurs, pour moi, de plus en plus importante. On a entendu François Truffaut qui présentait le film, et puis ensuite les personnages du film présentaient le film dans le film, car c'est ça le sujet de La Nuit américaine. Et ce qui frappe quand on entend Truffaut parler de cinéma, et d'ailleurs c'est ce qui a frappé hier et ce qui frappera encore demain et jeudi, c'est à quel point il semble hanté par le terme de vérité. Il parle toujours de vérité en parlant de cinéma. Or, tout ce film vise à montrer les artifices qu'il y a derrière la fabrication d'un film. Oui, c'est une vraie question piège. Pour y répondre tout de suite, et casser le suspense. La vérité du cinéma, c'est l'artifice. La vérité de l'art, c'est l'artifice. Et il y a même quelque chose, souvent je trouve d'assez dégueulasse, que ce soit en littérature ou au cinéma, de vouloir imiter la vie. Ça, on va en reparler, je pense que c'est aussi le sujet de La Nuit américaine, mais c'est vrai que c'est un film qui interroge la question de la vérité, parce qu'en même temps, Truffaut s'est toujours réclamé de ce qu'il appelait le mensonge organisé, qui était sa définition de la fiction. Donc le mensonge organisé. Voilà, il disait qu'il voulait, par opposition au documentaire, on a entendu hier une très belle archive dans laquelle il dit « je hais le documentaire ». Et par opposition au documentaire, il disait qu'il voulait faire justement une fiction qui était pour lui un mensonge organisé. Je pense que toute la question est là, parce qu'il y a quelque chose finalement d'assez suspect dans cette haine proclamé du documentaire. Je dis suspect parce que il y a toujours une ambivalence de la haine. Donc il y a une forme de fascination aussi probablement pour le documentaire. Mais je pense que La Nuit américaine, et moi j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Il a fallu que je voie le film plusieurs fois. C'est un film que je n'ai pas aimé la première fois que je l'ai vu. J'étais, pour le dire un peu bêtement, mais enfin dans le camp de Godard, on va en reparler aussi. Je l'ai ressenti comme ça, je l'ai ressenti comme une trahison du réel. Pourquoi une trahison? Parce qu'il filmait l'autre côté de la caméra? Parce qu'il y avait quelque chose de faux pour moi. Alors il y a beaucoup finalement ces termes de fausseté, de vérité, de mensonge qui sont des termes qui ont des frontières communes mais qui ne s'opposent pas toujours. Je sais pas, entrons dans le vif du sujet. La question de la vérité, donc c'est un film qui est un art poétique. C'est-à-dire qu'il raconte à la fois une histoire, l'histoire c'est celle d'un tournage en train de se faire, et comme tout art poétique, qui est une forme classique, c'est un film sur ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire c'est un film sur le cinéma et en même temps un film de cinéma. C'est un film, moi la première fois que je l'ai vu, et ça rejoint le reproche, enfin la critique assez violente d'ailleurs que Godard lui a faite, où j'ai ressenti une forme de fausseté dans la manière de magnifier ce que Jean-François Stévenin, qui est l'assistant du film, et l'un des acteurs du film, et qui joue en même temps l'assistant du film, tout en étant le vrai assistant, donc le faux assistant et le vrai assistant, il l'avait qualifié de bleuette. C'est un film qu'il apparemment il n'aimait pas beaucoup quand il a vu le résultat. Et il disait que c'est un film qui ne montrait pas la violence, notamment du tournage, qui avait un tournage qui a été affecté par par exemple un très grave accident de moto qui est arrivé au chef-op Pierre-William Glenn, des fêtes... Il y a un personnage qui meurt d'un accident de voiture dans le film. Dans le film. Voilà, on pourrait dire, comme l'a dit Henry James, qui est finalement un écrivain qui aimait énormément Truffaut, que c'est le détour de la fiction, que la fiction est toujours un détour, donc il y a cette forme de détour. Mais est-ce qu'on retrouve cette violence-là? C'est la question. Ce que Godard reprochait à Truffaut, c'était par exemple de ne pas s'être montré lui, dès lors qu'il se montrait comme cinéaste, faisant ce film-là, avec son actrice principale, cette star américaine qui en réalité était une actrice anglaise, Jacqueline Bisset, de ne pas s'être montré, je cite, en train de baiser avec Jacqueline Bisset, ce que Truffaut faisait apparemment dans la vie, de ne pas l'avoir montré dans le film. Je pense qu'en réalité, c'est beaucoup plus complexe, parce que il y a une forme de mensonge organisé, qui est celui de la fiction, qui est celui de l'artifice. Et en même temps, il y a une vérité sur un autre plan dans ce film, qui moi me frappe maintenant en le revoyant, et que je trouve déchirante et très forte, qui me fait penser beaucoup à ce que disait Rousseau. Jean-Jacques Rousseau était hanté par ses propres mensonges. Et par exemple, dans Les rêveries du promeneur solitaire, il raconte cette anecdote que je trouve assez saisissante et qui est très proche pour moi de La Nuit américaine, à une femme grosse, c'est-à-dire enceinte, qui lui demande, lors d'un pique-nique, « Monsieur Rousseau, avez-vous eu des enfants ?» Cette femme et tous les aristocrates présents, sachant pertinemment que non seulement il a eu des enfants, mais qu'il les a tous abandonnés, Jean-Jacques Rousseau répond « Je n'ai pas eu ce bonheur. » Et il raconte ça dans Les rêveries comme avec une honte, cette honte, il a une passion pour la honte, Rousseau, mais la honte de soi, mais avec honte d'avoir menti. En réalité, moi, quand j'avais lu ce texte, j'avais été saisie et bouleversée d'ailleurs par la vérité absolue de cette phrase. C'est-à-dire que Rousseau, certes, a eu des enfants. Mais il n'a pas eu le bonheur, il n'a pas connu le bonheur d'avoir ses enfants. Donc, littéralement, il dit la vérité en mentant. Ce qui montre que déjà, cette question de l'opposition binaire de la vérité et du mensonge me paraît quand même assez simplette. Dans La Nuit américaine, on est déjà aussi, je pense qu'il y a une dialectique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition, à mon avis, dans ce film, entre le documentaire d'un côté, qui consisterait à se filmer soi-même comme un journal intime, comme pourrait faire Alain Cavalier, par exemple. Ce qu'il ne fait pas en réalité, parce qu'il y a aussi de l'artifice dans les films d'Alain Cavalier. Mais enfin, disons, un cinéaste qui se filmerait lui-même. Et puis, de l'autre côté, une fiction hollywoodienne classique qui serait entièrement du côté du soi-disant mensonge. Il y a plutôt une dialectique, il y a une opposition. Reste à savoir comment on définit le terme de vérité, parce que finalement, on pourrait très bien dire que la vérité que Truffaut cherche à saisir dans ce film, c'est pas la sienne, c'est pas celle de sa vie sexuelle, c'est celle du cinéma. Et il cherche à montrer comment un tournage de cinéma se passe. Alors, En ce qui et compte, en ce oui. sens, c'est réussi. Et en ce sens, c'est une véritable déclaration d'amour au cinéma. Alors, en ce qui concerne sa vérité, à mon avis, elle y est dans le film. C'est quelque chose que je n'ai pas vu du tout quand j'ai vu ce film petite ou jeune, très jeune. Mais je l'ai revu et ça m'a frappé. Il y a la vérité de sa vie amoureuse. Alors, c'est peut-être pas qu'il est en train de baiser avec Jacqueline Bisset, mais c'est que il y a cette obsession, pas ce goût, mais cette obsession, cette hantise, cette folie, on peut dire, de... Enfin, toute vie amoureuse est une folie, donc oui, bon, c'est un pléonasme, mais de la clandestinité, de la dissimulation, parce qu'il avait la réputation de coucher avec toutes ces actrices. Oui, alors surtout, il se revendiquait d'un cloisonnement, du fait de dissimuler, de ne pas... Ce qui était son droit le plus strict, hein, enfin, comme c'est le droit de la vie amoureuse de chacun. Mais ça, on le voit dans le film. Ça y est. C'est-à-dire que d'une certaine manière, c'est pour ça que je citais Rousseau tout à l'heure, en cachant qu'il est avec Jacqueline Bisset, il en dit autant que s'il avait montré qu'il était avec Jacqueline Bisset. Il dit quelque chose de lui, en fait, d'une intimité absolue, qui est probablement beaucoup plus intime que de révéler, comme le lui reproche Godard, finalement assez ingénument, d'avoir eu cette aventure avec cette femme. Donc, il y a quelque chose de très profond pour moi dans cette dissimulation. Par ailleurs, comme vous le dites justement, il y a dans cette manière de cacher, il y a son rapport à la fiction qui est dévoilé. Pas seulement son amour fou du cinéma, sa hantise du cinéma sur un mode très très hitchcockien, mais son rapport à la fiction qui est, comme il le dit, un mensonge, une forme d'organisation du mensonge. Et ça en fait partie aussi. Il le dit clairement, il dit « Le cinéma m'a sauvé la vie. Si je me suis jetée dans le cinéma, c'est probablement parce que ma vie n'était pas satisfaisante pour moi dans mes premières années de jeunesse, à savoir les années de l'occupation. 1942 est une date importante pour moi, c'est le moment où j'ai commencé à aller voir beaucoup de films. De 10 à 19 ans, je me suis jetée sur les films, je n'ai pas de recul là-dessus. » C'est une question de survie pour lui, le cinéma. C'est une question de vie ou de mort, et c'est une question comme Henry James ou Hitchcock, de figures qu'il a beaucoup aimées et dont il s'est inspiré aussi. C'est une question d'embaumement, on pourrait dire presque. Hein. Mmh. C'est-à-dire, je pense à quelqu'un comme James qui peut dire d'une certaine manière, ou Proust même, est-ce que c'est normal d'écrire ou de faire des films ? Non. Ce qui est normal, on peut dire, c'est quand il fait beau de sortir dans la rue et d'aller voir ses amis. C'est quelqu'un qui préférait par-dessus tout rester dans l'obscurité de la salle, l'obscurité de l'écriture, et qui avait ce rapport, on peut dire, presque un peu cadavérique, enfin d'embaumement, presque nécrophile à la fiction, mais qui est un rapport que la plupart des artistes ont et qu'on voit, qu'on trouve dans ce film, hein, y compris avec la présence de la mort qui est très forte dans La Nuit américaine. Alors, pour rebondir sur la querelle, pour employer un euphémisme, entre Godard et Truffaut que vous évoquiez, Hélène Frappa, je vous propose d'entendre deux extraits de leur correspondance. D'abord, la lettre que Godard envoie à Truffaut en mai 1973, la veille, il a visionné le film La Nuit américaine, et puis la réponse de Truffaut qui suit peu de temps après. Les deux textes sont lus par Noémie Lvovsky. Qu'est-ce que c'est que ce métier où tout le monde couche avec tout le monde, où tout le monde se tutoie, où tout le monde ment? Mais qu'est-ce que c'est? Vous trouvez ça normal? Mais votre cinéma, moi je trouve ça irrespirable. Je me méprise, le cinéma. Écoutez, mon Dieu, ça suffit comme ça. Emmenez votre âme se calmer ailleurs. Jean-Luc Godard à Truffaut, mai 1973. J'ai vu hier La Nuit américaine. Probablement personne ne te traitera de menteur, ou si je le fais. Ce n'est pas plus une injure que fasciste, c'est une critique. Et c'est l'absence de critique où nous laissent de tels films, ceux de Chabrol, Ferreri, Verneuil, Delannoy, Renoir, etc., dont je me plains. Tu dis, les films sont de grands trains dans la nuit. Mais qui prend le train? Dans quelle classe? Et qui le conduit avec le mouchard de la direction à côté? Ceux-là aussi font les films train. Et si tu ne parles pas du Trans-Europe, alors c'est peut-être celui de banlieue. Ou alors celui de Dachau-Munich, dont bien sûr on ne verra pas la gare dans le film train de Lelouch. À Jean-Luc Godard, mai-juin 1973. Je me contrefous de ce que tu penses de La Nuit américaine. Ce que je trouve lamentable de ta part, c'est d'aller encore aujourd'hui voir des films comme celui-là. Des films dont tu connais d'avance le contenu, qui ne correspond ni à ton idée du cinéma, ni à ton idée de la vie. Tu as changé ta vie, ton cerveau, et quand même tu continues à perdre des heures au cinéma, à t'esquinter les yeux. Pourquoi? Pour trouver de quoi alimenter ton mépris pour nous tous? Pour te renforcer dans tes nouvelles certitudes? Aujourd'hui, tu es fort, tu es censé être fort. Tu n'es plus l'amoureux qui souffre. Comme tout le monde, tu te préfères. Et tu sais que tu te préfères. Tu détiens la vérité sur la vie, la politique, l'engagement, le cinéma, l'amour. Tout cela est bien clair pour toi. Et quiconque pense différemment est un salaud. Même si tu ne penses pas en juin, la même chose qu'en avril. Hé, hey, attends. Quoi ? Tu l'as toujours eu, hein, cet art de faire passer pour une victime. Avec ta voiture de loque de merde. Alors que tu te débrouilles très bien pour faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, comme tu veux. Comportement de merde. Honnêteté intellectuelle, c'est tout. Ouais, c'est comme lorsque tu dis que tu viens au FIPA. Et pour étonner la galerie, tu vas pas. Comportement de merde sur un socle. Merde sur un socle, il paraît que c'était une insulte que Truffaut aurait proférée à Godard. En tout cas, c'est repris tel quel dans le film de Mathieu Amalric, tourné en 2010, dans une scène qui semble rejouer hein, cette alors pareil, querelle, c'est pas le bon terme, hein, cette tension, peut-être cette haine qui avait, cette rivalité en tout cas entre Truffaut et Godard. Hélène Frappa, vous disiez en début d'émission que vous étiez d'abord du côté de Godard et que c'était en train de changer. C'est une vraie question, c'est-à-dire il y a une vraie question. Et où est l'opposition ? Aidez-nous à comprendre déjà. Alors oui, il y a une attaque dégueulasse, sans aucun doute, hein, qui est malhonnête et surtout, bon, toute personne qui donne des leçons de morale comme un curé doit d'abord regarder devant sa porte ce que Godard ne fait pas et Truffaut le lui renvoie à juste titre. Néanmoins, il y a une question dans cette lettre. Et moi, c'est là. Ça a été ma première manière de voir ce film. Cette question, c'est la question de la trahison, en fait. Pas la trahison des amitiés, parce que ça, Godard avait commencé, comme disent les enfants, c'est lui qui avait commencé dans la bande de la Nouvelle Vague, mais la trahison de l'idéal, je dirais. C'est-à-dire que François Truffaut est entré en cinéma, publiquement, en tout cas, il est devenu un homme public de cinéma en 1953, enfin en janvier 54, quand il a publié dans les cahiers du cinéma un article qui a fait tout de suite scandale et qui l'a rendu célèbre, qui s'appelait « Une certaine tendance du cinéma français ». Et dans ce très très long article, extrêmement argumenté, dans lequel il éreinte à mon avis tout à fait à juste titre ce qu'il appelait le cinéma qualité française, il éreintait des films qui pour la plupart avaient été tournés au studio de la Victorine. Ça me paraît quand même quelque chose d'intéressant quand on voit que La Nuit américaine 20 ans plus tard est tournée précisément dans ces studios où, pendant l'occupation, le cinéma français a continué de manière florissante à tourner des films, comme les films de Carnet, comme les films de Delannoy, etc., qui étaient des films que Truffaut, et moi-même d'ailleurs, je suis d'accord avec lui de ce point de vue-là, jugeait assez dégueulasses. Hein, aussi bien des films de scénaristes, des films de bourgeois, et des films qui avaient, comment dire, ce côté rance de l'occupation, qui, même s'ils ne parlaient pas de l'occupation, étaient hantés toujours, en fait, par cette forme de collaboration dont ces films profitaient dans ces studios en particulier. Donc ça, c'est l'idéal, hein, je dirais. Il commence là-dessus. Donc c'est une question qu'on ne peut pas ne pas poser à La Nuit américaine, quand on voit La Nuit américaine. C'est-à-dire, d'abord, c'est un film de studio, qui est tourné en studio, qui interroge en même temps ce que ça veut dire. Alors, il interroge sur un autre plan, hein, puisqu'à la fin du film, la voix off dit du cinéaste, bon, c'est bientôt, il n'y aura plus de films comme ça. Et c'est plutôt le sujet, c'est plutôt la transition, la fin du vieil Hollywood, disons, le passage sans doute à la télévision, etc. Mais il faut quand même se souvenir que le maître de Truffaut et le maître de la Nouvelle Vague, c'était Roberto Rossellini, hein, c'est-à-dire celui qui, après la Seconde Guerre mondiale, finalement, a été dans le cinéma le seul à répondre à l'injonction d'Adorno qui était que la poésie n'était plus possible après la Shoah. Comment la poésie, c'est-à-dire l'art, comment était-il possible de reconstruire l'art ? Dans le cinéma, le premier qui l'a fait, le seul même on peut dire, c'est Rossellini. C'est-à-dire il a refondé le cinéma européen sur une éthique. Cette éthique, c'est ce qu'il appelle le cinéma vérité. C'est une éthique très ambiguë. C'est ça qui est très intéressant chez Rossellini. C'est-à-dire que d'abord, il s'agit de tourner hors des studios, de tourner dans la rue. En même temps, c'est une époque où le cinéma italien n'est pas fait en son direct. Cette question du son direct, elle est très importante et elle intervient dans... Elle est abordée de manière humoristique, d'ailleurs, de la manière américaine. Elle est abordée, mais c'est une question passionnante, c'est-à-dire que... L'actrice qui connaît pas son texte dit, mais peu importe, je peux juste dire des numéros à la place du texte, et puis vous doublerez ensuite. On lui dit, mais non, pas du tout, c'est pas comme ça que ça marche ici. Voilà. Donc, c'est la question encore de la vérité. En même temps, donc, est-ce qu'on est fidèle à Rossellini ? Est-ce qu'on est fidèle au patron de la Nouvelle Vague, Renoir, Rossellini, à cette forme de vérité ? En même temps, quelle est cette forme de vérité ? Rossellini disait les choses sont là, pourquoi les manipuler ? Rossellini était le plus grand manipulateur de son temps. Autant mais c'est pour ça, quand ces cinéastes parlent de vérité, leur métier est quand même de manipuler les choses pour en faire un film. Absolument. Quel crédit faut-il accorder à leurs paroles et à leur conception de la vérité ? Et je pense qu'il y a, un texte d'ailleurs publié, dans un des entretiens que les jeunes turcs, qu'on appelait les jeunes turcs de la Nouvelle Vague, ont fait avec l'un de leurs maîtres de l'époque qui était Fritz Lang, il y a une chose très intéressante qui apparaît à ce moment-là sur cette question de l'artifice. Parce qu'au début, je disais, le cinéma, c'est la vérité de l'artifice. C'est une formule qui paraît comme ça, qui n'est pas très claire en réalité. Mais que Fritz Lang expliquait bien, il disait qu'il aimait beaucoup les films de la Nouvelle Vague. C'était le moment où ils avaient commencé à tourner leur premier film, notamment Godard. Il disait, mais moi, je vois ces films et j'ai un problème avec le son. C'est-à-dire, je vois par exemple des films qui sont tournés dans des chambres de bonne, où il y a des couples d'amoureux. Bon, c'est à peu près tous les premiers films de la Nouvelle Vague ont cette scène-là. C'est une des scènes clichés presque. Et puis, j'entends rien en fait. J'entends pas ce que ces amoureuses disent, parce qu'il y a un bus qui passe, il y a une voiture qui passe, c'est en son direct, on n'entend rien. Et Fritz Lang disait, moi ce qui me gêne dans le fait qu'on n'entend rien, c'est que si on prend un filmage hollywoodien, qui est à l'inverse de ça, c'est-à-dire le filmage hollywoodien, le son n'est pas direct, on a au tout début l'ambiance complètement reconstituée en fait, la fausse ambiance en direct, les voitures, le bus, etc. Peu à peu, on a un fondu, cette ambiance disparaît, on a la musique qui arrive et on a cette fameuse musique hollywoodienne qui recouvre quasiment tout le dialogue. Et Fritz Lang disait, mais la vérité de l'amour, elle est où ? Est-ce qu'elle est dans la chambre de bonne où on n'entend rien du dialogue des amoureux, ou est-ce qu'elle est dans le fait que quand deux personnes sont follement amoureuses, ils sont tellement absorbés dans leur relation qu'ils n'entendent plus le bus qui passe, la voiture qui passe, et qu'ils sont dans une sorte de fusion amoureuse qui fait que plus rien au monde n'existe que leur dialogue secret. Donc ça, c'est passionnant, parce qu'on a déjà à la fois une admiration de la Nouvelle Vague et une critique par le son, qui plus est, de la Nouvelle Vague. Et tout ça est dans la nuit américaine. C'est-à-dire que, est-ce qu'en faisant ce film, il trahit son idéal ? Est-ce qu'en même temps, son idéal n'était pas déjà quelque chose d'extrêmement ambigu ? Je pense qu'il le trahit en partie, en jouant le jeu de la bleuette, comme dit Stévenin, et en même temps... Donc son idéal, quel est-il ? Son idéal de ce que Rossellini appelait le cinéma vérité, disons. Et en même temps, il va dans le sens d'une forme même de cliché, le cliché. Et je pense que là où il le trahit, c'est qu'on n'a peut-être pas la violence, disait Stévenin, du tournage, mais la violence de tout tournage, la violence des rapports de force, le fait que par exemple Truffaut a envoyé des lettres très violentes à tous les acteurs de particulièrement Alexander Siwart de La Nuit Américaine pour leur dire ton jeu t'es dégueulasse, tu as fait foirer mon film, etc. pour s'excuser ensuite qu'il y avait quelque chose. Mais alors là on peut rétorquer dire la vérité ça ne veut pas forcément dire être exhaustif. Et ensuite est-ce qu'il ne faut pas distinguer, même si là le travail du réalisateur est de se mettre en scène lui-même, son œuvre et l'homme qu'il est. Vous voyez ce que je veux dire ? Reprocher à quelqu'un de faire un film sur lui sans dire tout de lui, c'est très étrange comme procès. C'est pas sans dire tout de lui. En l'occurrence, c'est sans dire quelque chose de la vérité du rapport de force. Un tournage, c'est un lieu de pouvoir. C'est un lieu... Même, moi, j'ai écrit un livre sur Jacques Rivette. Et ce qui est très intéressant, c'est que Rivette était hanté par ce que c'est qu'un cinéaste. Et il m'a toujours dit, moi, je ne peux pas filmer un cinéaste directement. Je n'y arriverai pas, je ne pourrai pas. Donc, je prends des metteurs en scène de théâtre qui sont une forme de déplacement. C'est la splendeur de l'indirect d'Henry James, on y revient. Et donc, à travers le metteur en scène de théâtre, ce que je filme, c'est le cinéma. Mais moi, je ne peux pas le filmer directement. Il admirait d'ailleurs le fait que Truffaut l'ait filmé directement. Mais c'est cette question. Est-ce qu'on peut arriver à cet autoportrait, à se filmer directement ? Et finalement, est-ce que la vérité de ce qu'il filme tient au cinéma lui-même, ou plutôt à une forme d'autoportrait ? Est-ce que ce n'est pas plus une vérité de l'autoportrait qu'une vérité de ce que c'est que le cinéma, qui est quand même effectivement, on peut dire, dans La Nuit Américaine, c'est la mythologie. C'est une forme de mythologie. Ce qu'il filme, c'est la vérité de la mythologie. J'aime le musical dans lequel Charles Trenet énumère avec gentillesse et drôlerie tous les chanteurs en vogue. C'est dans cet esprit que j'ai tourné La Nuit Américaine, avec la volonté de faire entrer le cinéma dans un film. Oui, le cinéma dans un film. Et de l'y faire entrer par toutes les perforations de la pellicule. Moi, j'aime le cinéma. Moi, j'aime le musical, ces jongleurs, ces danseuses légères, et le public qui rigole quand il voit des petits chiens blancs portant focol. Oh, moi, j'aime tous les samedis. Et qu'est-ce qu'on fait ce soir, Liam ? Tu sais, le Pierrot le photographe, eh ben, il m'a filé des adresses de petits restaurants extra dans l'arrière-pays. Mais qu'est-ce que c'est que ces adresses de petits restaurants extra ? Faut bien aller bouffer quelque part, non ? Ah oui, mais alors moi, tu vois, ça me dépasse, tu vois. On a la chance d'être dans une ville où il y a 37 cinémas. Bon, alors on choisit un film dans le programme, on cherche l'adresse, on va devant le cinéma, on vérifie l'heure de passage du film, et si on a le temps, on va bouffer un petit sandwich au premier bistrot du coin. Voilà ! Ça, c'est du bon. Alors, permets-moi de te dire que ton copain le photographe, ses petites adresses de bistrot avec grillade sur feu de bois au fond de l'arrière-pays, eh ben, il peut se faire un pansement avec. Ah, oh, c'est pas possible. Il me tue, ce mec. En tout cas, je te préviens, ce soir, je ne vais ni au cinéma, ni je ne bouffe dans cet hôtel. Alors à toi de choisir. Bon, d'accord. On fera ce que tu voudras. Mais à une seule condition. Vas-y, laquelle ? C'est que tu deviennes ma femme. J'aimerais toujours le musical. J'aimerais toujours... La demande en mariage de Jean-Pierre Léo à Dany, c'est dans La Nuit américaine de François Truffaut qui nous accompagne cette semaine. François Truffaut, philosophie avec François Truffaut, aujourd'hui en compagnie d'Hélène Frappa, qui est écrivaine, philosophe et critique de cinéma. Vous avez travaillé, hein, vous l'avez dit, sur Jacques Rivette, sur Roberto Rossellini, que vous avez cité aujourd'hui pour nous aider à comprendre le cinéma de Truffaut. La scène qu'on vient d'entendre, alors d'abord la citation que j'ai faite, c'est Truffaut évidemment, hein, qui dit qu'il aime le musical et il dit « moi j'aime le cinéma » comme Trenet chante « moi j'aime le musical », le côté vraiment spectaculaire. Et suivi de cette scène donc entre les deux acteurs, une demande en mariage un peu minable, un peu aux dépens de tout le reste, et qui finalement sur fond d'une discussion sur le cinéma, et vaut-il mieux aller voir des films qu'aller manger dans un bon resto ? On ne sait pas trop quelle tonalité donner à ce qu'on a entendu, et c'est, je trouve que ça s'applique bien, c'est représentatif du film La Nuit américaine. C'est vrai qu'il y a un malaise quand même pour le spectateur, qu'il aime ou pas ce film, on ne sait pas quel crédit, quel statut accorder à ce qu'on voit. Alors, ce qu'on ressent là dans la scène qu'on vient d'entendre, c'est ce que disait Godard, ce que disait Rivette, ce qu'ils disaient tous en fait, c'est qu'on vivait cinéma. Ils disaient, on vivait cinéma, on mangeait cinéma, on dormait cinéma, on baisait cinéma. C'est-à-dire que même les copines étaient les actrices. Il y avait rien d'autre que cette dévoration, ces films vus. Truffaut a dit qu'il est devenu cinéaste ou critique la première fois qu'il a vu un film plusieurs fois de suite. Donc c'est du côté de l'obsession, c'est du côté de la hantise, et en effet c'est son représentant, on peut dire c'est son double, Léo dans ce film, au sens où il est dévoré par le cinéma. Alors la demande en mariage, je sais pas si elle est minable. Moi, ce que je trouve charmant et ça va dans ce sens-là, c'est que il se fait un film en fait dans cette histoire. C'est-à-dire que il passe complètement à côté de ce qu'il vit avec cette fille parce qu'il se fait un film de ce qu'il vit avec cette fille. Vous me direz, toute histoire d'amour consiste à se faire un film sur ce qu'on vit, évidemment. Bah, j'espère pas. et oui, enfin si, il y a quelque chose de commun du côté de l'illusion, mais l'illusion pas, je le dirais dans un sens, dans le sens de l'illusion de l'art. En fait, et il y a quelque chose de très beau, parce que finalement la trivialité de cette fille qui veut aller au restaurant, etc., et qui finit par se taper le cascadeur, elle est pas dévorée par l'idéal. C'est un personnage un peu assez ordinaire, on peut dire, le personnage qu'interprète magnifiquement par ailleurs Dany, tandis que cet homme cinéma qui brûle. Exactement comme les livres brûlent dans Fahrenheit. Ils brûlent tous. Il y a quelque chose d'une intensité qui est sublime. Après, la question, et elle revient explicitement, et c'est la question qui se pose à tous les artistes. Bon, ça devrait être la question qui se pose à tous les êtres humains, mais il semblerait que ce soit pas le cas. Mais c'est la question de l'intensité. Hein, c'est-à-dire, quand on est écrivain, quand on est cinéaste et qu'on met le maximum d'intensité dans l'écriture, dans le cinéma, et que souvent, du coup, on s'ennuie. Un peu, beaucoup même, dans le reste, dans ce qu'on appelle la vie ou la réalité. Est-ce qu'il est possible d'avoir cette intensité partout ? Est-ce qu'on peut avoir la même intensité dans l'amour, dans l'amitié, dans ce qu'on appelle la réalité, je sais pas trop ce que c'est, mais enfin disons que ça existe, que celle qu'on met dans l'écriture ? C'est la question explicitement que Ferrand, donc le représentant, enfin le double, c'est un film avec beaucoup de doubles, presque, il y a un côté presque De Palma dans ce film, on peut dire, avec le côté tordu des films de De Palma. Donc il y a des doubles. Il y a Ferrand qui est le double de Truffaut, et puis il y a joué par Truffaut d'ailleurs, voilà, hein. Il joue dans son film, on l'a pas dit encore, mais et puis il y a Léo qui est aussi un autre double de Truffaut dans ce film, et il lui dit, tu sais, nous, notre vie amoureuse, elle est bancale, c'est pas notre lieu de bonheur, enfin de bonheur, c'est plutôt d'intensité, on devrait dire, parce que le bonheur, c'est pas vraiment le sujet de François Truffaut, j'ai l'impression. Donc notre lieu d'intensité, il est là, le reste c'est bancal, ça marche pas. Donc c'est ce que dit cette scène. En quelque sorte. Mais il y a quelque chose de fascinant quand même dans ce film, parce qu'on parle beaucoup de la façon qu'a la question de la vérité d'être traitée dans La Nuit américaine. Il y a quelque chose de fascinant pour le spectateur à assister aux coulisses d'un film quand même, parce que ça, on est vraiment en plein dedans, on est de l'autre côté. Alors peut-être qu'il n'y a pas toute la vérité, mais quand même, on voit comment se passe la répétition d'une scène, et puis le fait qu'on la tourne une fois, deux fois, trois fois, quand un acteur craque, etc. C'est presque un plaisir de voyeur, en fait, pour le spectateur qui se passe son temps à se demander, mais comment on fait un film, en fait. Oui, alors ce qui est vraiment très fort, hein, dans très puissant, très intense dans La Nuit américaine, il y a un côté La Dame de Shanghai, c'est-à-dire cette scène où de la duplication dans les miroirs, et c'est à l'infini, en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est à l'infini. On voit une scène qui est tournée, donc on pourrait dire il démystifie, et en fait, cette scène reste du côté du mythe, et en même temps, on n'en sort pas, en fait. Hein. Je pense, par exemple, à une séquence magnifique dans laquelle Valentina Cortés n'arrive pas à dire son texte. Hein, vous l'avez cité tout à l'heure. Et elle se plante. Bon, elle est par ailleurs complètement bourrée. Et puis elle est par ailleurs très triste, enfin, parce que son fils est très malade, donc il y a une tragédie, il y a plein de tragédies qui se jouent derrière cette scène, et la mémoire, elle perd la mémoire, voilà. Alors comment la tourner? Ce qui est vraiment très beau et qui montre que d'ailleurs Truffaut est très loin d'avoir trahi son idéal, c'est-à-dire d'avoir trahi ses films qu'il dénonçait comme des films de scénario. C'est pas un film de scénario, ça tient pas au scénario, La Nuit Américaine. C'est un film qui est entièrement sur la manière de styliser une scène en la montrant comme dans le cinéma muet. Hein, il faut pas oublier que ça s'ouvre, et c'est bouleversant, je trouve. Le premier plan de La Nuit Américaine, c'est une image fixe, arrêtée, c'est une photo des sœurs Guiche, les sœurs Guiche qui jouaient dans les films de Griffith. Et on a ce visage de ces deux jeunes filles, voilà, qui ont joué dans les films qu'a le plus aimé Truffaut. Et il y a quelque chose du cinéma muet qui reste dans tous les films de Truffaut, mais particulièrement dans La Nuit Américaine. Alors, dans cette scène, par exemple, Valentina Cortés n'arrive pas à dire son texte. Alors, on lui met ce qui arrive, hein, on lui colle son dialogue, et elle est censée comme ça regarder son dialogue, donc le lire au lieu de le dire, puisqu'elle ne le... Et elle n'arrive pas néanmoins à mémoriser la porte par laquelle elle doit sortir. Et donc plusieurs fois, il y a cette scène vraiment de slapstick, c'est-à-dire de burlesque muet, où elle se plante, elle pourrait même se cogner contre la porte, la fausse porte qui est celle d'un placard. Et en même temps, littéralement, ce que dit cette scène, à la fois elle nous montre comment une séquence est tournée, et comment il faut tricher, hein, sachant que dans le cinéma, il y a quelque chose d'extrêmement beau, qui est que le verbe tricher, en français, c'est un verbe intransitif. Hein, j'ai triché. Dans le cinéma, si quelqu'un est allé sur un tournage, il entend que tricher devient transitif. Tu as triché la porte, par exemple. Ça, j'ai toujours trouvé que c'était sublime, que ça dit quelque chose de la vérité du cinéma, le fait, cet usage du verbe tricher qui devient transitif, ce qui n'est jamais le cas dans les autres lieux de la langue française. Donc là, elle triche. Hein, on triche le dialogue. Et en même temps, elle tombe sur cette porte. Et littéralement, ce que ça dit, cette séquence, c'est que cette femme, elle ne s'en sort pas, il n'y a pas d'issue pour elle. Il n'y a pas d'issue dans sa carrière d'actrice vieillissante, pardon pour le cliché, mais qui malheureusement est juste, encore aujourd'hui. Il n'y a pas d'issue dans sa vie personnelle. Et donc, elle bute contre la porte, elle ne trouve pas la sortie, littéralement. Donc, et c'est montré comme dans un film muet. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien ne pas avoir le dialogue, et uno, due, tre, etc., et carrément enlever le dialogue qu'elle n'arrive pas à dire, ne même pas le remplacer par des chiffres comme elle le suggère, et montrer ce plan muet, et on comprendrait exactement le sens, c'est-à-dire la vérité, en l'occurrence, de la séquence. Parce qu'on peut dire que la vérité, dans l'art, c'est juste la signification d'un moment, en l'occurrence, complètement à travers les cordes, le corps de cette actrice. Hein. Et ça, c'est très beau, en fait. Parce qu'à la fois, oui, on est dans la mythologie de montrer à ceux qui ne savent pas comment est fait un film, comment il est fait, et en même temps, il arrive à animer ce moment des coulisses, en montrant quelque chose qui est du côté de la vérité de la fiction, et peut-être aussi de la vérité de cette actrice, Valentina Cortés, et d'être complètement paumée, littéralement, mais en le montrant comme Lillian Gish aurait pu le montrer, ou comme Buster Keaton aurait pu le montrer, en tombant, hein, avec ce sens existentiel de la chute. Précisément, et vous avez employé à plusieurs reprises le terme de mythologie, hein, et même de mystification, peut-être que tout ce film s'articule autour d'un changement au sein du cinéma, un hommage rendu au cinéma muet, même si les premières images sont en fait sonores quasiment, puisqu'il s'agit tout de suite de bande-son, avant même de voir quoi que ce soit, et d'interroger ce vers quoi le cinéma va. Je propose qu'on écoute encore un très court extrait d'un texte de Truffaut, hein, Les films de ma vie, À quoi rêvent les critiques, où il est question justement de ce nouveau cinéma qu'il est en train de faire. Quelqu'un qui n'aurait connu la vie que par le cinéma aurait pu croire sincèrement qu'on donnait la naissance aux enfants en s'embrassant sur les lèvres. Et encore, bouche fermée. Tout cela a bien changé aujourd'hui. Non seulement le cinéma en 15 ans a rattrapé son retard sur la vie, mais encore nous donne-t-il parfois l'impression de l'avoir devancé. Les films sont devenus plus intelligents, disons plus intellectuels, que ceux qui les regardent. Et nous avons souvent besoin du mode d'emploi pour savoir si les images qu'on vient de nous projeter sur l'écran sont données pour réelles ou imaginaires, passées ou futures, s'il s'agit d'une action ou d'image mentale. C'est difficile à entendre ça, hein, quand même, Hélène Frappa. Les films sont devenus plus intelligents que ceux qui les regardent. Je suis pas sûre que ça donne envie de les regarder. C'est assez insultant pour les spectateurs. Non, moi je pense que l'intelligence n'a rien à faire dans l'art en fait. Bah et oui, que, mais là c'est ce qu'il dit en tout cas. Oui, mais je crois que là-dessus c'est très profond, ce qu'il, enfin très juste pour moi. Je pense qu'il faut oublier l'intelligence, et si on l'a été à un moment, particulièrement le cinéma. Ah, vous dire de la part du spectateur. La part du cinéaste, ah. et y compris du spectateur. On va pas au cinéma pour être plus intelligent. On lit pas un livre pour être plus intelligent. L'art, ça passe par le corps d'abord, ça passe par ce qu'un spectateur et aussi bien ce qu'un créateur ressent. Il y a une dimension très très organique dans l'art. Et Pasolini avait dit une chose très très belle sur La Nuit Américaine. Il avait dit on dit que c'est un film sur le cinéma, mais finalement c'est pas un film, hein, disait-il pour moi. Il disait le vrai contenu du film, le vrai sujet du film, c'est pas le cinéma, c'est le rythme. C'est le rythme et c'est l'accélération du rythme, la vitesse en fait, la manière dont tout se passe. Comment dire, extrêmement rapidement et tellement rapidement qu'il n'y a plus aucune psychologie. Il y a quelque chose ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur le burlesque, je trouve de très fort, et on le voit dans La Nuit Américaine. En effet, il s'agit pas de comprendre, il y a rien à comprendre. Alors pourquoi dit-il que le cinéma aujourd'hui, au moment où il écrit, hein, en 75, a rattrapé son retard sur la vie et que désormais les films sont plus intelligents? Il est quand même question d'intelligence pour lui. Les films sont plus, je pense que c'est peut-être une critique, ça. Les films sont plus, peut-être ils dénoncent un certain type de cinéma, disons, entre guillemets, théorique, que dans lequel il ne s'inclut pas. Oui. En tout cas, c'est comme ça que je ressens, que je ressens cette phrase. Oui. Alors que c'est vrai qu'on a, d'aucuns ont pu lui faire le reproche, justement, d'un cinéma trop intellectuel et trop théorique, qui finalement serait pas là pour divertir ou pour s'adresser au corps, mais plus pour démontrer des choses. On fait beaucoup le reproche à Godard, on l'a fait à Truffaut. Je crois pas. Je pense que le cinéma, c'est le lieu de tous les arts le plus philosophique, c'est-à-dire le lieu qui produit le plus de pensées. Voilà, le cinéma, ça n'est que de la pensée. C'est de la pensée, c'est ce que disait Renoir. Mais en même temps, ce n'est pas de la théorie. La pensée, la théorie, c'est vraiment pas du tout la même chose. C'est une pensée qui est une pensée du corps. Renoir disait il faut filmer la pensée qui s'incarne sur le visage des acteurs. Donc c'est une pensée incarnée, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la porte. C'est existentiel, hein, plus. Hein. Je pense pas qu'il ait filmé quelque chose, que les films de Truffaut n'aient jamais été intellectuels. En revanche, il y a quelque chose du sentiment profond de l'existence, comme on le trouve dans la littérature russe, par exemple, qui s'incarne dans ces films. Ça, oui, de ce point de vue-là, il y a énormément de pensées. Et d'ailleurs, on le voit bien, depuis le début, c'est un film qui donne énormément à penser, donc qui donne à vivre aussi, d'une certaine manière. Après, ce que c'est que la vie, sincèrement, je n'en sais rien. Enfin, je veux dire, la vie, chacun, comme disait Marivaux, consolez-vous comme vous pourrez de vous-même. C'est ça, la vie. Chacun se débrouille plus ou moins avec ce qu'est sa propre vie. Mais c'est pas le cinéma, ça, c'est autre chose. Mais justement, puisque vous êtes critique de cinéma par ailleurs et vous écrivez sur le cinéma, si le cinéma pense, est-ce que le geste qui consiste à déchiffrer ce que dit le cinéma ou penser avec le cinéma ne paraît pas redondant, finalement ? Alors, il ne l'est pas s'il n'est pas illustratif. Il ne l'est pas si on part du cinéma. Je pense que la bonne démarche, qui est celle que vous faites d'ailleurs dans cette émission, pour moi, c'est ça, la bonne démarche. C'est-à-dire partir du cinéma pour penser. Penser avec. Voilà, et pas illustrer. Comme on a pu le faire pendant longtemps, et ça a pu être fait parfois d'une manière sublime, par quelqu'un comme Stanley Cavell, par exemple. Mais voilà, je pense que c'est plus ça, une pensée à travers le geste, une pensée à travers le corps, une pensée à travers le sexe, hein, qui est quand même la matière même du cinéma. Hein. On va au cinéma quand même. Avec la matière même du cinéma, vous pensez ? Ah, moi, je pense qu'on va au cinéma pour bander, enfin, au sens large, j'inclus homme, femme, et il y a quelque chose, il y a une dimension, c'est l'art le plus érotique, le cinéma. Moi, je suis convaincue que tout film est un film pornographique, c'est toujours regarder à travers le trou de la serrure, le cinéma. Il y a une dimension de défraction, du regard, de l'obsession, je citais tout à l'heure De Palma, dans tous les films. Et alors, on peut citer Hitchcock, et Truffaut est très hitchcockien, mais on le voit dans La Nuit Américaine. Donc c'est pour ça qu'il y a une ingénuité presque de Godard de lui reprocher qu'on ne le voit pas baiser avec Jacqueline Bisset. Bien sûr qu'on le voit, on voit cette tension érotique, elle est dans le film, que ce soit avec Jacqueline Bisset ou avec son film même. Elle est là pour le spectateur, et c'est ce qui tient le spectateur en haleine, et c'est ce qui fait qu'on est complètement hors du rythme de la vie, où malheureusement, il y a quand même, bon, il y a moins de sexe que dans le cinéma, je dirais, dans cette tension, c'est-à-dire il y a plus d'ennui, en fait. C'est ce que disait Truffaut, il le disait très simplement, il disait dans la vie, je m'ennuie. Mais c'est marrant parce qu'il n'y a pas ce rythme, ça va pas assez vite, en fait. Il n'y a pas cette tension, il n'y a pas cette, on pourrait dire, cette érotique. Mais on ne voit pas de sexe chez Truffaut. Alors, pourtant. On va pas de sexe en même temps quand il fait une fermeture à l'iris. Qu'est-ce qu'il y a de plus sexuel que ça? Il est suggéré. Bien sûr, mais il y a pas. Quand je dis c'est pornographique, ça veut pas dire montrer nécessairement. Ça veut dire que dans les longues robes blanches des deux Anglaises et le continent, il y a une dans la tache de sang de la robe blanche dans les deux Anglaises et le continent, il y a quelque chose d'une comment dire, c'est presque insoutenable hein, d'érotisme et même de pornographie. Donc c'est là à chaque plan en réalité, et c'est là dans le regard même, dans le regard du cinéaste, il y a une dimension. On va au cinéma dans le noir pour regarder, pour ouvrir les yeux dans le noir. Il y a quelque chose déjà de d'une intimité qui est presque gênante, presque embarrassante. C'est pas comme au théâtre où on est entre bourgeois où il y a une lumière douce qui fait qu'on peut voir comme enfin, son les bourgeois voisin. Bandes aussi, hein. Non, mais je veux dire, dans le dispositif, il y a une dimension de clandestinité dans la salle de cinéma qui se perd un peu, mais qu'on peut retrouver en regardant le film. Et cette clandestinité, qui était quelque chose d'un sentiment très fort que vivait Truffaut par ailleurs dans la vie, elle est là dans tous ses films. Hein. Et même dans Un petit chat qui va laper une jarre de lait. Oui. Ben, la voici. Bon, je voudrais bien savoir maintenant ce qui s'oppose à tourner. On attend Bernard, comme d'habitude. Alors, Bernard. Non, ça y est, moi, je suis prêt. Bon, allez, levez, allez. Poison, et poison, contre poison. Hein. Alors voilà. Bon, attention, on va pouvoir y aller. Alexandre, vous êtes prêt? Oui. Julie? Bon, moteur, Pamela 24 première. Allons-y, Alexandre. Nous voici arrivés au milieu de l'aventure. Avant de commencer un tournage, je désire surtout faire un film qui sera beau. Dès que les premiers ennuis surgissent, je dois réduire mon ambition et je me prends à espérer simplement qu'on arrivera à terminer le film. Vers le milieu du tournage, je fais un examen de conscience et je me dis... Tu aurais pu travailler mieux, tu aurais pu donner davantage. À présent, il te reste la seconde moitié pour te rattraper. Et à partir de ce moment, je m'efforce de rendre plus vivant tout ce qui sera montré sur l'écran. Je vous présente Pamela, me semble enfin lancée sur de bons rails. Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage. L'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus. Le cinéma règne. Ce qui me donne le courage de faire des films, c'est qu'au cinéma, on ne se sent pas solitaire. Le drame des peintres abstraits et des musiciens actuels, c'est la solitude. Mais quand je tourne un film et que j'ai le trac, je sens que les acteurs sont plus fragiles que moi. Je sens qu'ils sont perdus dès le premier jour du tournage et qu'ils me font confiance. Je sais aussi que je peux les aider à progresser dans leur carrière, que nous allons faire un travail très concret qui va peut-être nous réchauffer le cœur. France Culture, les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Il y a quelque chose de bouleversant quand même à entendre, alors à la fois la voix off de Truffaut jouant Ferrand dans La Nuit américaine, tenant une sorte de journal de bord du réalisateur qui dit voilà, je fais la moitié du film, je pense à ce que j'ai fait avant, j'ai beaucoup de regrets, mais je pense aussi à ce que je vais faire après, finissant par cette phrase, le cinéma règne. Et puis l'extrait que j'ai lu, toujours de Truffaut, donc dans les livres de ma vie, où il présente le cinéma comme une grande famille, et on sent que c'est la volonté qui l'a motivé à faire ce film-là. Il veut montrer qu'au fond, nous sommes des êtres absolument seuls, plongés dans une solitude de laquelle nous n'arrivons pas à sortir, et seul le cinéma nous permet eh bien, de nous réunir avec d'autres personnes qui sont un peu comme nous, et ça provoque presque une forme de tendresse quand même. Alors, on peut lui reprocher peut-être son hypocrisie, peut-être que c'est pas vrai. Oui, je dirais pas hypocrisie, moi je trouve ça bouleversant aussi, parce qu'il a passé sa vie à chercher des familles, vous en avez parlé dans l'émission d'hier, avec ce à travers le personnage, son double, Douanel, qui cherchait plus des familles que des amoureuses, et finalement dans cette famille du cinéma, alors c'est devenu un cliché, mais enfin ça l'a toujours été d'ailleurs en réalité, mais j'y entends quelque chose de beaucoup plus déchirant et de beaucoup plus intime, plutôt que le cliché général, la grande famille du cinéma, genre dans les discours aux César, aux Oscars, j'y entends sa vérité intime à lui, qui est en effet cette tentative permanente de chercher une famille, avec une conscience absolue qu'il s'agit d'une illusion, c'est-à-dire, on a parlé de l'illusion de l'amour, mais enfin l'illusion de la famille, elle est encore plus, je dirais, drôle, enfin si ironique, c'est-à-dire que on sait très bien que la plupart des familles sont des masques, des mythologies, mais ça fait rien, on continue à chercher. Pareil pour l'amour, on continue à chercher. Et l'illusion, comment dirais-je? L'illusion n'empêche pas la vérité du sentiment, la vérité du cœur, voilà. L'illusion n'empêche pas la vérité du cœur. C'est ce que disait dans un texte très beau le père de l'écrivaine Marie Shelley, grand philosophe. Il y a de ça dans La Nuit américaine. Et on n'a pas dit une chose, et finalement je me disais, c'est peut-être là-dessus que repose la plus grande ingénuité de la critique que lui faisait Godard, c'est que finalement, Ce qui est important, on parle de cinéma, alors on parle, là on parle plus de cinéma muet, on parle de cinéma parlant. En quoi et comment s'incarne Truffaut? Et de quelle est la plus grande vérité finalement avec laquelle Truffaut s'incarne en double, en son propre double, c'est-à-dire en un cinéaste qui est une sorte de père de cinéma pour tous ses acteurs? C'est sa voix, c'est à travers sa voix. Il a une voix, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, sublime François Truffaut. La voix, c'est la vérité de l'être humain. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Voilà, on entend, si quelqu'un qui est attentif à la voix de quelqu'un entend tout de cette personne, entend ça peut être un masque, mais c'est aussi bien une manière, c'est difficile de masquer, de se masquer à travers sa voix. Et la voix de Truffaut est, bon, elle est sublime, je disais, mais elle est d'une douceur, d'une tristesse et en même temps d'une tendresse, comme vous le disiez, d'un terme très juste. Il y a quelque chose d'un... Elle est voilée en même temps, elle est brumeuse, elle est mélancolique et en même temps elle est enfantine, donc elle garde cette part de jeu, d'espoir, toujours de l'enfance. Je pourrais parler pendant des heures de la voix de Truffaut, mais je pense que finalement c'est à travers cette voix, il a un jeu très en deçà dans La Nuit américaine. Oui. Au début, soi-disant, il voulait pas jouer le rôle, puis finalement il s'est dit, mais c'est à travers sa voix qu'il est, que sa propre vérité passe et que tout ce qu'il est lui, tout ce qu'il est aussi bien dans ce film et tout ce qu'il est dans ses relations, en effet, dans cette espèce d'abri éphémère qu'il propose à ses acteurs et à son équipe. De même que, qu'est-ce qu'un film? Un film, je disais tout à l'heure, on regarde pas un trou de la serrure, mais on pourrait donner une autre définition d'un film. Un film, c'est toujours une maison, un abri éphémère. Il nous protège de ce qu'il y a dehors et qu'on n'a pas envie de retrouver. Même si on a envie de le retrouver, d'ailleurs, peu importe, il nous le fait oublier. C'est ça qu'on entend dans La Nuit américaine. Donc, après... qu'il y ait une part d'illusion, bien sûr, de même qu'il y a une part d'artifice. Marilyn n'était pas une vraie blonde. Et alors, c'est plutôt ça que j'aurais envie de vous dire, Hélène Frappa. En fait, évacuons la question de la vérité du cinéma une fois pour toutes, non? Oui. Oui, évacuons même dans l'art la question de la vérité. À mon avis, moi, ça fait fort longtemps que je l'ai évacuée. Évacuons la question de la vérité tout court, peut-être. Oui. On va entendre un dernier extrait de La Nuit américaine, et justement, on va entendre à nouveau la voix de François Truffaut. Jean-Pierre Léo, qui s'appelle Alphonse dans le film, est désespéré parce que Liliane vient de le quitter. Il reste enfermé dans sa chambre pendant des heures. Enfin, il ouvre la porte et vous entendrez sa magnifique réplique qui est la première chose qu'il dit à la troupe qui essaye de le raisonner. Et puis ensuite, vous entendrez François Truffaut le raisonner, justement, lui expliquant que les films sont plus importants que la vie. Et presque exactement la même scène, cette fois-ci, avec Julie Becker, qui va le raisonner à sa façon, reprenant les termes du réalisateur. Personne ne veut me passer 10 000 balles pour aller au bordel. Écoute, Alphonse, viens. Tu vas rentrer dans ta chambre, hein. Tu vas relire le scénario. Tu vas travailler un petit peu et tu vas essayer de dormir. Hein. Demain, c'est le travail, et le travail est plus important. Ne fais pas l'idiot, Alphonse. Tu es un très bon acteur, le travail marche bien. Je sais, il y a la vie privée, mais la vie privée, elle est boiteuse pour tout le monde. Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Les films avancent comme des trains, tu comprends? Comme des trains dans la nuit. Les gens comme toi, comme moi, tu le sais bien, on est fait pour être heureux dans le travail, dans notre travail de cinéma. Salut, Alphonse, je compte sur toi. J'ai cru trop longtemps que les femmes étaient magiques. Mais bien sûr qu'elles sont pas magiques. Ou bien les hommes sont magiques aussi. Tout le monde est magique. Ou personne n'est magique. Et puis je suis sûr que Ferrand a complètement tort. La vie est plus importante que le cinéma. Il faut que je parte. Merci, Julie. Merci pour tout. N'allez pas faire l'idiot, Alphonse. Vous allez rester et finir votre travail. Préambule à la suite, on va pas tout révéler non plus de ce film, Hélène Frappa, parce que il y a quand même beaucoup de surprises et de retournements, on ne s'attend pas à tout hein, dès le début du film. On retiendra peut-être cette phrase prononcée par Ferrand, c'est-à-dire François Truffaut, pour terminer cette émission, dans la vie. Pourquoi est-ce que le cinéma est mieux que la vie? C'est que dans le cinéma, il n'y a pas d'embouteillage. Tout est dit. Il n'y a pas d'embouteillage et puis c'est magique. Le cinéma, voilà, il y a cette magie, mais cette magie qui est aussi bien pour chaque spectateur, c'est l'enchantement, et c'est ça qu'on ressent dans ce film. Plus que dans les autres films de Truffaut, vous trouvez? Moi, j'aurais dit moins pendant plus ou moins, non, enfin, comment dire, on ressent peut-être moins. C'est quelqu'un de très dialectique, Truffaut, donc il y a toujours soit le côté déchirant, ce qu'il appelle la tragédie. Dans l'extrait qu'on entendait au début de l'émission, le fait d'aller vers son destin, la tragédie l'emporte, soit la mythologie, le charme, hein, la soi-disant légèreté qui n'existe pas, parce que si on est léger, on fait pas des films, on n'écrit pas des romans, il y a pas de raison. Enfin, je veux dire, il faut être lourd pour faire ça, il faut être très lourd même. Et puis essayer d'atteindre à une forme de légèreté dans ce qu'on crée. Mais je crois que ce terme de magie est magnifique. Alors, est-ce que tout le monde est magique? Est-ce que personne ne l'est? C'est une question sans réponse. Deleuze disait, la question c'est pas est-ce que quelque chose est vrai, mais est-ce qu'une théorie est vraie, mais est-ce qu'elle est intéressante, hein. Ce qui rejoint d'une certaine manière la magie. Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressants, d'autres qui le sont moins? Je n'en sais rien. En tout cas, il y a dans l'enchantement du cinéma quelque chose qui est analogue à l'enchantement amoureux, c'est-à-dire que c'est le moment où on rend quelqu'un magique, qu'il le soit ou pas, n'a probablement aucun intérêt. La recherche du temps perdu, le moment. Alors, il y a un moment où on se dit, ah, finalement, il n'était pas si magique. Peu importe, au suivant qui sera magique. C'est ça que montre Truffaut dans ses films. Merci, ça ne s'arrêtera pas, en tout cas. C'est le bon rythme. Ça donne envie pour la suite de la semaine. Merci d'être venu nous en parler ce matin, d'avoir parlé de cette magie selon Truffaut. Je renvoie à vos ouvrages sur Jacques Rivette et Roberto Rossellini, notamment. On les mettra en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. À merci. Bientôt. Pamela, un deuxième, un troisième, un cinquième, septième. Toute une époque du cinéma va disparaître. On abandonne les studios, les films se tourneront dans les rues, sans vedettes et sans scénario. On ne fera plus de films comme je vous présente Pamela. Salut Alphonse, alors tu rentres? Salut, non, je rentre pas, je vais rester dans la région, je vais me reposer un petit peu. Ah bon, repose-toi bien, salut. Au revoir. Tu retrouves au chômage? Peut-être vous. Ok, on peut être ensemble. Il faudrait que tu ouvres un peu. Alors, on rentre en moto? Oui, j'emmène Odile, je vais la présenter à mes parents. Moteur. Oui, on va se marier. Clément, au revoir. Et merci, hein, la photo du film est formidable, je suis très content. Je suis content que tu sois content. Au revoir les enfants, bonne route. L'action se déroule dans ta ville, vu d'hélicoptère ou du haut d'un building. Et puis la caméra zoom avant jusqu'à ton appartement. Doudoudoudou, si soit-il. Yeah, tel est le nom du film, comme il est dit dans le scénario. Gros plan de toi dans ton berceau, comme il est précisé dans le script. Lumière tamisée, flou artistique. Tout, tout, tout, tout, ainsi soit-il. Tel est le nom du film. Sur la bande-son, une cloche qui sonne. Fondu enchaîné sur la cour d'une école. Un lièvre, une tortue, trois mousquetaires. Et plus tard, les fleurs du mal de Charles Baudelaire. Tel est le nom du film. Autre séquence, autre scène. Chant contre chant, gros plan sur elle. T'as raison, y'a que l'amour qui vaille la peine. Demande à l'éclairagiste qui l'était. Vous écoutez France Culture, Les Chemins de la Philosophie. Il est l'heure de retrouver comme tous les jours la chronique quotidienne de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Pourquoi parle-t-on de légitime défense? La question de la légitime défense, dont tout le monde connaît l'expression, cette expression qui intervient dans le droit, dans toutes les constitutions, dans tous les droits de tous les pays qui ont des lois, la question de la légitime défense n'est pas une question secondaire, ça n'est pas une question marginale, au contraire, elle est peut-être au cœur de l'éthique et de la politique, et il faut se demander pourquoi. En effet, la légitime défense est une expression trompeuse. Ça n'est pas un acte permis justement par les lois, un acte de violence pour se défendre contre une agression qui serait justement permis a priori par les lois. Au contraire, de manière paradoxale, la légitime défense est un acte de violence transgressive, un acte qui peut aller jusqu'à tuer autrui, alors que l'interdit du meurtre est au cœur de la société, un acte qui peut transgresser les lois, mais précisément se ranger après tout, malgré tout, sous le régime de la légitimité. C'est une légitimité morale qui semble excéder le régime de la loi qui est faite pour contenir la violence. On dit d'ailleurs parfois, c'est une formule ambiguë du sociologue Max Weber, on dit parfois que l'État consiste à s'approprier le monopole de la violence légitime, le monopole de l'usage légitime de la force. Il s'agit d'expurger la société de la violence qui peut la détruire, et seule l'autorité publique est légitime pour utiliser la force ou la violence entre les humains. La légitime défense, ce n'est donc justement pas la violence autorisée par la loi, mais au contraire, la violence exceptionnelle autorisée au-delà de la loi, la violence qu'on peut et qu'on doit utiliser en réponse à un acte qui vient lui-même transgresser la loi et que la force publique n'est pas là pour empêcher. C'est quand il n'y a pas la police ou l'armée que si je suis agressé, menacé de mort, j'ai le droit légitimement de me défendre. Ainsi, la légitime défense est cette violence exceptionnelle qui vient montrer l'excès toujours de la violence possible sur les régimes de légitimité qui cherchent à l'expulser. Et donc, d'une certaine façon, la légitime défense dans son expression même est un paradoxe au cœur de la loi, au cœur de l'éthique et de la politique. Il y aura toujours de l'excès de la violence, il y aura toujours une légitimité morale au-delà de la légitimité légale qui vise à expurger la violence. Mais alors, qu'est-ce qui rend la défense légitime? La légitime défense n'est-elle pas la brèche par où la violence peut revenir dans une société qui a cherché à l'expulser? Par où on peut toujours dire qu'on est en légitime défense au niveau individuel, au niveau collectif et même au niveau interétatique où un État peut déclarer la guerre, alors supposée interdite par le droit international, peut déclarer la guerre au nom de la légitime défense. Comment donc évalue-t-on la légitime défense? Qu'est-ce qui rend cette défense légitime? Alors il y a deux critères très importants et qui vont s'appliquer aussi aux dépositaires de la force publique. Par exemple, quand un policier lui-même invoque la légitime défense qui l'a amené, par exemple, à faire un usage de la force, un usage exceptionnel, peut-être parfois excessif, peut-être parfois abusif de la force au point de tuer, par exemple, un agresseur supposé. Il y a donc deux critères. Il y a évidemment d'abord le critère de la défense, le critère de la preuve de l'agression excessive, non prévue, non empêchable par la loi qui s'est exercée contre nous. Et pour sauver notre vie, nous avons le droit de transgresser provisoirement le régime de la légalité. Mais justement, le deuxième critère, c'est de rentrer après coup dans le régime de la légalité. Il faut évaluer, il faut juger l'acte qui se réclame de la légitime défense. Il faut que l'exception rentre dans la règle. Et c'est bien pourquoi, lorsqu'un agent de la force publique fait usage de la légitime défense, il doit plus encore que les autres se soumettre au contrôle rétrospectif de ses actes. Cela ne veut pas dire qu'il est forcément dans son tort. Il est peut-être dans son droit comme tout autre citoyen, mais que ce droit, comme il s'agit d'un excès de la part de quelqu'un qui a le dépôt de la force publique, ce droit doit être encore plus contrôlé que les autres. On peut être surpris dans les débats récents d'une certaine campagne électorale de cet a priori positif ou négatif contre la légitime défense des dépositaires de la force publique. En réalité, c'est la loi qui doit vérifier cette légitimité dans leur cas encore plus que dans les autres. Et que dire alors de la guerre? La guerre juste, c'est celle en effet qui est défensive contre une agression. Et évidemment, les agressions entre les États doivent être encore plus rares et empêchées que toutes les autres, car ce sont eux les dépositaires de la violence légitime, ceux qui bordent les excès, ce débordement de la violence au-delà de ce qui vise à l'empêcher. Ainsi, la légitime défense doit rester cette pointe exceptionnelle, encadrée par la loi, et non pas cette brèche par où s'engouffrent toutes les violences du monde. Merci beaucoup Frédéric Worms, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site de France Culture ou bien à télécharger, à podcaster à la page Le Pourquoi du Comment. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, Isis Jourda avec Manon Delasselle, Jules Barbier, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Thomas Beau qui réalise pour vous cette semaine truffaldienne, Swad Boukorsa qui est à la prise de son aujourd'hui, Noémie Vos qui est à la lecture des textes de Truffaut. Demain, on continue cette série sur François Truffaut, Philosophie avec François Truffaut. Demain, ce sera en compagnie d'Éric Neuhoff, L'homme qui aimait les femmes, c'est le titre du film dont nous parlerons. Ce sera l'occasion aussi de parler du dernier livre d'Éric Neuhoff qui prend position par rapport au cinéma français. Aujourd'hui, on remontera donc à son origine chez Truffaut, donc le temps d'une émission. D'ici là, pour réécouter celle-ci, l'émission aujourd'hui avec Hélène Frappa sur la nuit américaine, c'est très facile, vous vous rendez sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter l'émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, avec qui vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux. L'équipe des Chemins tient un compte Facebook, un compte Instagram et un compte Twitter. Nous attendons vos remarques et vos commentaires. À demain, 10h précises, nous, on sera là. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.